إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue aujourd'hui la troisième partie ou la troisième cours dans la lecture du livre du Cheikh Khalid al-Zufayri حفظه الله إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، c'est-à-dire le consensus des savants sur le fait de faire al-hajr, de boycotter, de s'écarter, de délaisser les gens de bid'ah et de mettre en garde contre eux. Et on est dans la partie où le cheikh explique la mise en garde au sujet des hommes qui font des innovations et qui appellent à des innovations. Et on a donné plein d'exemples dans les paroles des imams hier. On a lu plusieurs des exemples et on va continuer, inshallah, pour conclure le chapitre 2, qui est à propos de, ou bien le chapitre 1 plutôt, qui est à propos de la mise en garde des gens de l'innovation et de leurs innovations. Donc on a presque fini ce chapitre et tout de suite après on va commencer le deuxième chapitre au sujet de la dureté envers les gens de la bid'ah. Et naam, donc là où on est arrivé hier, on a expliqué une parole. Maintenant, ici, il y a une autre parole. Il dit wa qadima Daoud al-Asbahani al-Zahiri bi Baghdad. Qadima Baghdad. Wa kana baynahu wa bayna Salih ibn Ahmad husnun. Donc, Daoud al-Asbahani al-Zahiri, il venait d'une autre ville. Il vient à Bagdad. C'est un parmi les gens qui parlent du ilm, qui crient dans l'ilm. Donc c'est quelqu'un qui a, à la base, qui a du ilm, d'accord. Et il vient à Bagdad. Et il connaissait le fils de l'imam Ahmad, Salih ibn Ahmad. Donc il est allé voir le fils de l'imam Ahmad et il lui a dit, est-ce que tu peux, il lui a parlé doucement, il lui a dit, est-ce que tu peux demander à ton père la permission pour que je puisse aller le visiter et pour que je puisse lui parler. Alors, Salih est allé voir son père. Salih est un des fils de l'imam Ahmad, s'appelle Salih. Donc il est allé voir son père, qui est l'imam Ahmad. Il a dit, il y a un homme qui m'a demandé la permission pour venir te voir. Alors l'imam Ahmad a dit, c'est quoi son nom? Il a dit, il s'appelle Daoud. Il lui a dit, d'où est-ce qu'il vient? Il a dit, il fait partie des gens de Asbahan. Alors, parce que l'imam Ahmad connaît les gens, il connaît les hommes de science, il connaît les rapporteurs de hadith, et il a beaucoup voyagé, il a rencontré les imams de hadith dans tous les différents pays de l'islam de l'époque. Donc il sait qui est qui dans chaque endroit. Donc il demande, c'est quoi son nom, Daoud? D'où est-ce qu'il vient? Asbahan. Il fait partie des gens de Asbahan. Il dit, et qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son travail? C'est quoi qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa spécialité? Et il a vu que son fils, il évitait de lui parler, de lui définir. Comme si on disait que il évitait de lui dire trop d'informations sur lui. Jusqu'à ce que l'imam Ahmad, lorsqu'il a vu ça, il a compris de qui il parlait. Quand il lui posait des questions sur lui, puis qu'il voyait que Saleh ne voulait pas trop répondre, il a compris de qui il s'agissait. Il a dit, « Ah, celui-là, Muhammad ibn Yahya al-Naysaburi m'a écrit à son sujet. Et il m'a dit de lui qu'il pense que le Coran est créé, alors qu'il ne s'approche pas de moi. » Et il a dit, son fils a dit, « Oh mon père, il nie cela. » Et il le condamne. Il dit, « Oh mon père, il nie cela et il le condamne. » C'est-à-dire, il nie cette parole que le Coran est créé, des choses comme ça. Alors, Abu Abdullah, il a dit, « Muhammad ibn Yahya est plus véridique que lui. Et je ne lui donne pas la permission qu'il vienne vers moi. Je ne lui permets pas de venir me voir. » Subhanallah. Donc, il dit, la personne elle-même, elle dit que, Salih, il dit à son sujet, à propos de Daoud, que il nie cette parole et qu'il la condamne. Et l'imam Ahmed, qui a reçu l'information de Muhammad ibn Yahya à son sujet, il dit, lui, Muhammad ibn Yahya, qui lui a donné cette information-là, il est plus fiable et plus véridique que lui, que Daoud. Alors, je ne lui permets pas de venir me voir. Ça, c'est une parole qui est rapportée dans Tarikh Baghdad. Et dans toutes les paroles qu'on explique et les exemples qu'on donne, il y a des leçons à tirer de ça, de la part de nos imams. Comment ils ont compris l'islam, comment ils ont appliqué ces principes du manhaj des salaf. Il dit « Waja'a an al-a'imma » وجاء عن أئمة الإسلام في ذلك كثير. Il y a beaucoup de paroles des salafs qui ont été rapportées parmi les imams de l'islam à ce sujet-là. وهو كتب السنة والعقائد مستور. Donc c'est mentionné. وهو في كتب السنة والعقائد مستور. Donc ça c'est quelque chose qui est connu dans les livres de l'aqida, dans les livres de la sunna. Il dit عاصم الأحوال a dit, je me suis assis auprès de Qatada. Et je lui ai mentionné Amr ibn Ubayd. Alors Qatada a commencé à l'insulter. Asim al-Ahwal, il dit, je pensais pas que les savants allaient s'insulter les uns les autres, ou s'attaquer les uns les autres. Alors Qatada lui a répondu, il lui a dit, oh Ahwal, ne sais-tu pas que l'homme, lorsqu'il fait une innovation, il doit être mentionné pour qu'on puisse être mis en garde contre lui et averti contre lui. Alors Asim il dit, je suis rentré chez moi contrarié et je me suis endormi, et j'ai vu dans mon sommeil Amr ibn Ubayd qui mentionnait un verset dans le Mus'haf. Alors je lui ai dit Subhanallah, et il a dit, je vais la répéter. Alors, il a dit, alors répète-la. Et il a dit, je ne suis pas capable. Comme s'il a vu Amr ibn Ubayd dans son rêve, qui essaie de réciter un verset dans le Coran, il n'est pas capable. Et quand il lui a dit, je vais le répéter, il a dit, vas-y, répète-le. Et il dit, je ne suis pas capable. Donc, c'est comme pour dire, Qatada, qui est un parmi les tabi'in, il l'a averti, il a parlé contre Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd, c'est un grand parmi les innovateurs, un grand égaré. C'est un parmi les Mu'tazila, qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nie le Qadar, et qui a beaucoup d'autres égarements, beaucoup d'autres innovations. Donc, quand il parle contre lui, l'autre, il a eu la réaction de dire, mais comment ça se fait? T'es un savant, puis tu parles contre un autre savant, en voulant dire, il pense que l'autre, qui est un innovateur, que c'est un savant lui aussi. Et c'est ça ce qui se passe souvent à notre époque de la part de beaucoup de jeunes lorsqu'ils entendent un savant qui met en garde contre un autre et ils ignorent que ces gens-là sont la personne dont il, à propos duquel ils parlent et contre qui ils mettent en garde. Ils ignorent que c'est un innovateur, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de déviations et beaucoup d'égarements et beaucoup d'erreurs dans sa aqida. Donc ils commencent à dire, mais comment ça se fait un savant parle contre un savant? Hein? Alors que cette personne-là, c'est pas un savant, c'est un mubtadi'. Mais hein, les gens, beaucoup de gens, ils comprennent pas bien encore ces principes-là. Après, il dit wa qala al-fallas Amr matrukun sahib bid'ah. Donc un des imams parmi les salafs, il dit dans Mizan al-i'tidal, le livre de l'imam al-Dahabi, Mizan al-i'tidal, c'est un livre où on mentionne les personnes qui sont dans l'ilm ou bien qui rapportent des hadiths. Et les savants, qu'est-ce que les savants ont dit au sujet de ces personnes-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête? Est-ce que c'est quelqu'un qui est égaré? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un innovateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait des problèmes de mémoire ou des choses de ce genre? Est-ce qu'on peut prendre de lui? Est-ce qu'on peut pas prendre de lui? Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve dans ce genre de livre. Il dit donc, Al-Fallas, à propos de Amr ibn Ubayd, matrukun sahib bid'ah. Matruk, c'est-à-dire lui, il est délaissé. Et c'est une personne qui est sur la bid'ah. Donc ça, c'est pour mettre en garde contre lui, pour que les gens ne retournent pas à cette personne. Al-Dhahabi, il dit à propos de Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta, c'est un autre parmi les gens qui ont fondé la secte des Mu'tazila avec Amr ibn Ubayd. Ces deux-là, c'est les deux qui sont à la tête hein, et à l'origine de la parole des Mu'tazila. Et Wasil ibn Atta, c'était quelqu'un qui étudiait l'ilm avec les tabi'in. Il était l'élève de Al-Hassan al-Basri. Imaginez. Donc c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui connaît rien dans l'islam. C'est quelqu'un qui avait quand même étudié des choses, qui avait des bases. Sauf qu'il a dévié. Il a opposé la aqida des salaf. Il a opposé la aqida des sahaba. Donc à partir de ce moment-là, il s'est écarté. Et les ulama l'ont déclaré comme un innovateur et ils ont mis en garde contre lui. Hein? Donc quand il parle de Wasil ibn Atta, il dit quoi? Kana min ajlad al-Mu'tazila. C'était un des pires parmi les Mu'tazila. Et il dit wa qala aydan fi ibn Abi Du'ad, Jahmiyun Barid. Ibn Abi Du'ad, c'est un autre parmi les Mu'tazila qui ont été impliqués dans la fitna de l'imam Ahmed, qui ont torturé, qui ont été à la cause de ceux qui ont été une des causes parmi ceux qui ont fait que l'imam Ahmed soit torturé et battu à son époque par les Mu'tazila. Donc, quand on a demandé à son sujet, ils ont dit, les savants, qu'il est, c'est un Jahmi, fait partie de la secte des Jahmiya. Ceux qui ont suivi Jahm ibn Safwan. Et Jahm ibn Safwan, c'est un mubtadi', un égaré, un hérétique, qui niait les attributs et les noms d'Allah. Il nie tout ce que Allah a mentionné dans le Coran comme nom et comme attribut. Et il nie le qadar. Hein? Il fait partie des Jabriya. Il exagère dans le qadar au point de nier même que l'homme a une volonté ou une capacité de faire quoi que ce soit. Et dans l'Iman, il est un hérétique parmi les Murji'a. Il est extrémiste dans l'Irja. Il dit que celui qui connaît Allah, il est croyant. Même s'il fait rien de la foi, même s'il il dit rien, même s'il dit pas la foi avec sa bouche, même s'il dit pas la ilaha illallah, même s'il pratique rien de l'islam, même s'il fait tous les péchés, il est mu'min depuis qu'il dit dans son cœur qu'il croit. C'est pour ça que pour eux, ils disent que Pharaon était un croyant, et ils disent que Iblis était un croyant. Hein? Ce qu'ils disent, ils connaissaient Allah, ils savaient que Dieu existait, et ils pensent que ça c'est suffisant. Donc ça fait partie des égarements de Jahm ibn Safwan, et il a beaucoup d'autres égarements encore. Donc, quand on a parlé d'Ibn Abi Du'ad, on a dit de lui que c'est un Jahmi. Barid, détestable. Il dit, Ahmad, كان ثور يرى القدر وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه. Donc il parle de un parmi les gens qui s'appelait Thawr. Il dit c'était quelqu'un qui faisait partie des gens qui niaient la prédestination. Et les gens de la ville de Hims en Syrie, hein, ils l'ont expulsé, ils l'ont fait sortir de cette ville-là à cause de ses égarements. Dans Al-Mizan, encore une fois de l'imam Al-Zahabi, Abu Tawba, il dit nos compagnons nous ont mentionné que Thawr a rencontré l'imam Al-Awza'i. L'imam Al-Awza'i, c'était l'imam de son époque, à l'époque de l'imam Malik ibn Anas. Il était un des quatre grands imams de cette époque, de l'imam Malik, dans la région de la Syrie. Et donc, Abu Tawba, il dit, nos compagnons ont rencontré Thawr, nos compagnons ont mentionné, ont rapporté que Thawr a rencontré l'imam Al-Awza'i et il a tendu sa main vers l'imam Al-Awza'i. Et l'imam Al-Awza'i a refusé de tendre sa main vers lui. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Thawr, si c'était quelque chose qui a rapport avec la dunya, une relation qui avait rapport avec la dunya, hein, on aurait pu se rapprocher, dans le sens qu'en voulant dire, si c'était une question de dunya qui nous séparait, qu'on avait un conflit dans les affaires de la dunya, on aurait pu se rapprocher. Mais l'affaire, c'est un problème de religion. Et donc, il est parti. Il lui a pas tendu la main. Hein? Donc ça, c'est un exemple de la part de l'imam Al-Awza'i, qui est un des plus grands parmi les imams des salafs. Qala Abu Idris Al-Khawlani. Hein? ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. Donc إدريس أبو إدريس الخولاني il dit أبو جميلة, hein, qui était un parmi les qadariyah qui nie la prédestination, il dit celui-là, Abu Jamila, il ne croit pas en Al-Qadar, alors ne vous asseyez pas avec lui. Hein? Il mettait en garde les gens de s'asseoir avec lui par rapport à ça. Hein? Et il dit Ismail ibn Aliya, il dit, Saïd ibn Jubair m'a dit, sans que je lui pose la question, et sans que je lui mentionne rien de ça, ne t'assois pas avec Talq. Hein, il dit, parce que c'est un Mourji. Parce que c'est un Mourji, quelqu'un qui est sur la secte des Mourji'a. Qala Abu Salih al-Farra. Donc Abu Salih al-Farra, il dit, j'ai parlé à Youssef, Ibn Asbat, à propos de Waqi', concernant quelque chose qui a rapport à la fitna, au fitan. Il a dit, cette parole ressemble à la parole de son professeur, c'est-à-dire Al-Hassan ibn Hay. Alors j'ai dit à Youssef, est-ce que tu n'as pas peur en disant ça que ce soit une forme de médisance? Est-ce que tu n'as pas peur en disant ça que ce soit une forme de médisance? Il a dit, Lima ya Ahmak. Il a dit, pourquoi, oh, espèce, hein, comme c'est que lui dit, qu'est-ce que tu dis là, idiot, hein, espèce d'idiot. Et, des fois, les salafs, ils disent des paroles comme ça aux gens, mais c'est pas pour dire qu'ils sont idiots vraiment, mais c'est pour les faire les réveiller, hein, les faire réfléchir. Hein. Il dit, mais non, espèce d'idiot. Hein. Il dit, je suis mieux pour ces gens-là que leur père et leur mère. J'interdis aux gens d'appliquer ce qu'ils ont innové dans la religion, alors pour pas qu'ils les suivent et que ce soit des péchés qu'ils accumulent sur leur dos. Hein? Et celui qui leur fait des éloges est plus nuisible, hein, contre eux. Et qu'est-ce qu'il explique ici, cet imam en réalité? Youssef ibn Asbat, c'est comme si, en fait, il est en train d'expliquer que la raison pour laquelle il met en garde et qu'il parle contre ces gens de bid'ah, en réalité, les gens pensent que c'est pour leur faire du tort, alors que leur intention à eux, c'est de leur faire du bien. Pourquoi? Parce que ces innovateurs-là ont inventé des choses dans la religion d'Allah, et si les gens les suivent dans ces innovations-là, ce sera des péchés qu'ils vont accumuler jusqu'au jour de la résurrection. Donc en mettant en garde contre eux, et en avertissant contre eux, et en parlant contre eux, pour que les gens cessent de les écouter et de les suivre et d'appliquer leurs innovations, eh bien ça fait en sorte qu'ils vont cesser d'accumuler des péchés. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, que celui qui appelle à une mauvaise action, il aura le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans cette mauvaise action-là, sans que ça diminue rien de leur, hein, de leur propre péché. Donc ça veut dire que la personne qui appelle à une bid'a, puis qu'elle est morte, ou bien qu'elle soit vivante, et que d'autres personnes la suivent dans cette bid'a, eh bien, ça veut dire que tous ceux qui ont suivi cette personne dans la bid'a, eh bien, celui qui est à l'origine de ça, accumule les péchés de tous ceux qui vont le suivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Hein? Et le contraire aussi, c'est vrai. C'est-à-dire, si tu fais une bonne action, comme par exemple, tu montres à quelqu'un une sunna, et que quelqu'un va le faire après toi et qu'il va l'enseigner à d'autres et d'autres vont le faire, eh bien tu auras la récompense de cette sunna jusqu'au jour de la résurrection tant qu'il y a des gens qui continuent à le pratiquer et que toi tu as été la cause à l'origine. Donc lorsqu'il arrête les gens d'écouter cette personne ou de suivre cette personne ou d'appliquer sa bid'ah, c'est un bien qu'il leur fait, hein? Et donc il dit: je suis meilleur pour eux que leur père et leur mère. Je veux plus leur bien que leur propre père et leur propre mère, puisque je les empêche d'être suivis dans qu'est-ce qu'ils ont inventé de la religion, pour qu'ils n'aient pas le poids de ces péchés-là. Et ceux qui leur font des éloges est plus nuisible pour eux que ceux qui mettent en garde contre eux. Donc, c'est pas pour. En réalité, ils voient eux que c'est quelque chose de mal, alors que c'est quelque chose de bien. Hein? Parce qu'il y a personne qui est pire en réalité pour eux que ceux qui leur font des éloges. Parce que ceux qui font des éloges, c'est le contraire. Ils encouragent les gens à les suivre, et ça augmente leur péché et leur poids, et les gens commencent à les écouter encore plus, et ça augmente le poids qu'ils auront à prendre au jour de la résurrection comme péché. Donc ça c'est grave. Donc celui qui leur fait des éloges, il leur fait du tort sans le savoir, et celui qui avertit contre eux et qui parle contre eux, il leur fait du bien, mais la plupart des gens ne réalisent pas ça. Donc ça c'est un point important, puis on devrait réfléchir là-dessus. C'est rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala et dans Tahzib al-Kamal. Et il dit ensuite le cheikh que l'imam Ibn Battah, il explique qu'il faut absolument mentionner les noms, et que il faut également aussi mentionner quelque chose des caractéristiques des gens de bid'ah pour que les gens puissent être avertis au sujet de leurs livres et pour qu'ils soient épargnés de leurs idéologies et de leurs pensées. Et il a dit, rahimahullah, l'imam Ibn Battah, après avoir mentionné des paroles à propos des gens de bid'ah et des groupes de bid'ah, il a dit, ce sont des peuples, des tribus, des groupes, des catégories de personnes, et je mentionne quelques-uns de leurs noms et quelques-unes de leurs caractéristiques, parce qu'ils ont des livres qui se sont propagés et des paroles qui sont devenues apparentes. Et la personne qui est jeune ou qui est pas, et qui n'a pas de connaissances, elle n'est pas au courant et elle ne connaît pas ces paroles-là et ces choses-là. Et la signification des paroles qu'ils ont ramenées peuvent leur échapper, ou peuvent échapper à beaucoup d'entre ceux qui vont lire ces paroles-là, c'est-à-dire qu'ils vont lire les paroles dans les livres des gens de bid'ah et ils ne vont pas réaliser l'égarement qu'il y a dedans, puis ils vont le répéter, puis ils vont le diffuser, sans savoir que ce sont des égarements. Et donc, peut-être que l'un d'entre les. Une personne va prendre un des livres de ces gens de bid'ah qui débute par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui débute par Alhamdulillah, hein, et qui débute par, hein, la glorification d'Allah et la paix et le salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en apparence, quand tu ouvres le livre et quand tu commences à le lire, tu vois du bien. Tu dis, ah, il commence, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, ila akhirihi. Puis ensuite, il ramène des formes subtiles de kufr qui sont cachées, hein, et toutes sortes de formes d'égarements et d'innovations et de choses mauvaises. La personne qui est jeune, qui n'a pas de base solide dans l'ilm, ou la personne qui ne connaît pas l'arabe correctement ou avec beaucoup de compréhension, il va rentrer dans ces livres-là, hein, et il va penser que c'est le livre d'un d'entre les ulama ou d'un faqih parmi les fuqaha, et peut-être même que yani, cette personne qui a écrit ce livre, il a les mêmes idées, les mêmes pensées que les adorateurs d'idoles, hein, et qu'il s'est que c'est un des personnes qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend le shaitan pour allié. Mais la personne qui n'a pas de base et qui ne comprend pas bien la religion, il ne voit pas ça. Il se laisse tromper facilement. Donc il donne des exemples par la suite. Il dit, parmi les têtes des gens de l'égarement qui ont précédé, parmi eux il y a Jahm ibn Safwan, l'égaré. Et on a dit à son sujet qu'il était en Syrie. Quand il était en Syrie, on lui a dit, où est-ce que tu veux aller? Ou qu'est-ce que tu cherches? Plutôt on lui a demandé, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit, je cherche un Seigneur que je pourrais adorer. Hein? Donc ça nous montre l'égarement qu'il avait, cet homme-là. Il cherchait son Dieu, parce qu'il l'a perdu en fait, hein? Puisqu'il s'est égaré dans la philosophie et dans toutes sortes d'autres choses d'égarement. Hein? Donc il a pris et il a adopté différentes croyances de différents groupes d'égarement. Il a fait un cocktail des différentes croyances d'égarement, il les a mélangées ensemble. Et puis, il a dit, voici ma croyance. Et Ibn Shawzab a dit, à son sujet, à propos de Jahm ibn Safwan, que il a abandonné la prière pendant 40 jours. Parce qu'il a eu des doutes. Quand il a commencé à rentrer dans les débats avec les bouddhistes, avec d'autres parmi les philosophes et d'autres gens d'égarement, il a commencé à avoir des doutes dans sa religion, et il est rentré chez lui, il a fermé les portes, il n'est pas sorti pendant 40 jours. On ne l'a pas vu ressortir pendant 40 jours, et ils disent qu'il a abandonné la prière pendant 40 jours parce qu'il était dans le doute. Hein? Allah musta'an. Et parmi les gens qui l'ont suivi par la suite, et parmi les gens de son groupe et de cette tendance, là, l'imam Ibn Battah, il va énumérer des individus qui sont sur la même voie que lui. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il mentionne Bishr al-Murrisi, al-Mardar, Abu Bakr al-Assam, Ibrahim ibn Ismail ibn Aliya, ibn Abi Duad, Barghouth, Ribalway, al-Armani, وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. Il dit, il y a beaucoup d'autres encore. Ça, c'est quelques noms seulement. Il dit, tous les ulama, ils disent, il dit, وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم من أئمة الكفر ورؤساء الضلال. Donc tous ceux qu'on a mentionné leur nom maintenant, les savants disent à leur sujet que ce sont tous ceux qu'on a nommés, ils disent que ce sont des imams du kufr et des têtes dans l'égarement. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit, ومن رؤسائهم أيضا, il dit, parmi les têtes également de l'égarement, et ce sont parmi les gens du Qadar, ceux qui ont nié la prédestination, Ma'bad al-Juhani, wa Ghaylan al-Qadari, وثمامة ابن أشرف وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر وفي جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. Donc il dit que parmi leurs têtes également, parmi les gens de Qadar, il y a Ma'bad, ceux qu'on a nommés. Puis il dit à la fin que les savants ont dit à leur sujet et au sujet de d'autres également parmi leur groupe que ce sont des gens de Kufr et des garments. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري. Donc parmi eux également, parmi les gens qui font partie de cette catégorie, Al-Jubba'i, c'est un des Mu'tazila, et l'autre également. Et il dit wa min al-Rafida al-Mughira ibn Sa'id wa Abdullah ibn Saba wa Hisham al-Futi wa Abu al-Karus wa Fudayl al-Raqashi wa Abu Malik al-Hadrami wa Salih Qubba. Donc tout ça c'est des noms de personnes qui étaient des Rafida et qui appelaient à leur bid'a. Donc il les mentionne, l'imam Ibn Battah, avec leur nom et il met en garde contre eux. Il dit bal hum aktharu min an yuhsaw fi kitab. Donc il dit ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les mentionner dans un livre ou pour qu'on puisse les énumérer dans un discours. Il dit j'en ai mentionné seulement un groupe parmi leurs têtes pour que les gens qui sont jeunes, qui n'ont pas encore de base dans l'ilm, puissent être avertis et puissent s'écarter d'eux. Et pour qu'ils ne s'assoient pas et pour qu'ils s'écartent avec ceux qui pour qu'ils s'écartent de ceux qui vont prendre les paroles de ces gens-là comme référence quand ils parlent et pour pas qu'ils prennent leurs livres comme des sources pour apprendre leur religion et des choses de ce genre. Donc ces gens d'égarement là à leur époque, c'était des gens qui opposaient la sunna, opposaient la aqida des salafs et ils propageaient leurs idées. Et à notre époque, il y a la même chose. Il y a les gens d'Ahl Sunnah et la Aqida des Salaf qui est présente, et on connaît les ulama qui sont sur la Sunnah et qui prêchent le Tawhid et la Aqida et le Manhaj. Puis il y a d'autres personnes qui appellent à des choses qui opposent ce Manhaj-là. Et parmi ces oppositions-là, il y en a qui opposent avec des égarements qui sont très graves, très grands, des égarements plus dangereuses, et il y en a d'autres qui appellent à des égarements qui sont peut-être pas aussi dangereuses mais qui sont aussi des égarements. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance parfois à ne pas donner à l'égarement beaucoup d'attention, en voulant dire qu'ils vont pas faire attention du fait que une bid'a, ils vont dire peut-être cet égarement là n'est pas si grave que ça, donc c'est pas grave. C'est comme s'ils veulent essayer de dénigrer le danger ou limiter ou rapetisser le danger de la bid'a ou de certaines bid'a, comme si en voulant dire c'est pas grave, ça c'est juste un petit problème ou une petite erreur qu'il a, on peut quand même laisser passer. Et puis cette petite bid'a, Elle grossit, elle évolue, et puis elle devient quelque chose de très très grave par la suite. Et ça, c'est pour ça que les salafs, ils ont mis en garde à propos des petites bid'as lorsqu'elles sont apparues, pour éviter qu'elles dégénèrent et qu'elles deviennent par la suite des grosses bid'as. Et c'est ce qu'on a vu par exemple à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud, quand il a mis en garde contre ceux qui étaient assis en cercle dans la mosquée et qui comptaient les pierres en disant Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et Abdullah ibn Mas'ud est venu et il a condamné ce qu'il faisait. Et à la fin de l'histoire qui est mentionnée dans le livre de l'imam Ad-Darimi à ce sujet-là, quand il rapporte cette histoire, il dit que ceux qui étaient dans ces cercles-là, on les a retrouvés parmi les Khawarij en train de tuer les Sahaba par la suite. Donc, c'est toujours comme ça que ça commence. Une petite bid'ah, et puis ça dégénère, et puis après, tu ne sais pas jusqu'où ça peut t'amener. Hein? Donc, ça, c'est l'exemple. Il dit, Wamin, après, qu'est-ce qu'il dit ? Eh, naam. C'est ça le problème. Il dit, parmi yani, les plus mauvais d'entre ceux-là, il y a ceux. Alhamdulillah. Il y a parmi ceux-là ceux qui sont les plus mauvais d'entre eux. Hein? Ou parmi les mauvais d'entre ces gens-là de bid'ah, il y a ceux qui, en même temps qu'ils font la bid'ah, essaient de montrer dans leurs paroles qu'ils défendent la sunnah. Ceux-là sont encore plus dangereux et sont plus graves parce que beaucoup de gens se laissent tromper par eux. Puisqu'ils disent, ah, mais ils défendent la sunna, ils mentionnent la sunna, hein, et ils veulent faire, hein, triompher la sunna. Donc les gens se laissent tromper par eux. Et leur parole, en fait, est plus dangereuse parce que justement, les gens, hein, se laissent tromper par ça. Et parmi eux, il dit, وَمِنْ خُبَثَائِهِمْ وَمَنْ يُظْهِرُ فِي كَلَامِهِ الزَّبُّ عَنِ السُنَّةِ وَالنُّصْرَةِ لَهَا وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علي. Donc il mentionne des noms, ابن كلاب, حسين النجار, أبو بكر الأصم. Ça, c'est des gens qui veulent montrer qu'ils défendent la sunna, puis qui font partie des gens de kalam. Ils mélangent la méthode des gens de bid'ah avec, hein, une apparence de sunna. Et ça fait en sorte que les gens, ils baissent leur garde, et puis ils se font par la suite égarer par la suite à cause de ces gens-là. Et aussi, comme c'est ça ce qui était arrivé justement par rapport à l'exemple de Abul Hassan al-Ash'ari. Et Abul Hassan al-Ash'ari, si vous lisez sa biographie, vous voyez que pendant 40 ans de sa vie, il était parmi les Mubtadi'a, parmi les Mu'tazila, la secte des Mu'tazila, pendant 40 ans. Donc il niait les attributs d'Allah et le qadar et les choses de ce genre. Et il a grandi avec une des têtes parmi les Mu'tazila qui était Al-Jubba'i, qui était le mari de sa mère. Donc pendant 40 ans il était dans l'i'tizal. Puis c'est par la suite que il a remis en question certaines des idées des Mu'tazila. Puis il a quitté la secte des Mu'tazila, mais il n'a pas quitté les Mu'tazila directement pour venir à la Sunna. Il a quitté les Mu'tazila, mais il a gardé encore des idées d'égarement. Il n'a pas encore été complètement nettoyé de ses égarements tout de suite. Et il a pris certaines positions de Ibn Kulab, qui affirme certains attributs mais qui nie les autres. Et qu'il y a d'autres aussi, d'autres questions, mais il fait partie des gens de kalam, des gens qui utilisent la raison pour essayer de comprendre la parole d'Allah, les attributs d'Allah et les choses qui ont rapport avec la aqida. Donc, il avait des égarements encore. Puis, les savants ont dit qu'à la fin de sa vie, hein, lorsqu'il a appris plus de choses sur la sunna et à propos de la aqida des salafs, il a abandonné la position d'Ibn Kulab et qu'il est revenu avant sa mort à la position de l'imam Ahmad ibn Hanbal et à la aqida des salafs. Et il a écrit le livre Al-Ibana fi Usul al-Diyana et aussi Maqalat al-Islamiyin. Et dans ces deux livres-là, quand il parle de la aqida des salafs, il affirme les attributs d'Allah. Hein? Même si, malgré ça, certains savants ont mentionné que il y a encore certaines petites erreurs aussi dedans, sauf que on le considère comme étant un des ulama qui était sur la sunna. Sauf que ceux aujourd'hui qui se disent Asha'ira, aujourd'hui à notre époque, qui se prétendent Asha'ira, qui prétendent suivre l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, ne sont pas sur sa aqida qu'il avait à la fin de sa vie. Ils sont restés sur la période dans laquelle il était, dans sa période intermédiaire, après avoir quitté les Mu'tazila, avant d'avoir accepté la voie de Ahl-Sunnah. Et donc, il faut faire attention. à propos de ceux-là, parce que ce sont ceux-là qui se disent ou qui prétendent faire partie, ou même parfois ils disent pas seulement faire partie de Ahl Sunnah, mais ils disent que ce sont eux Ahl Sunnah wal Jama'a. Et bien entendu, ça c'est un mensonge, hein, et c'est une calomnie contre les salafs et un mensonge contre les salafs. Puisque, en tout cas, ça c'est long à expliquer si on rentre là-dedans, mais Inch'Allah, on a déjà fait des cours dans le passé sur ça, puis peut-être dans d'autres cours on aura l'occasion de l'expliquer encore une fois. Mais c'est pour faire comprendre qu'il faut comprendre que la aqida des Asha'ira qu'on connaît aujourd'hui, et celle des Maturidiyya aussi, eh bien elle n'est pas conforme à la aqida des Salaf. Et que ça, ils ne font pas partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et c'est pas seulement dans Al-Asma wa Sifat, c'est aussi dans beaucoup d'autres points, parmi les points et les fondements de Ahlus Sunnah, comme dans le Tawhid, comme par exemple dans le Qadar, comme dans Al-Iman. Les Asha'ira sont des Murji'a dans l'Iman. Hein? Donc il y a beaucoup d'autres points dans lesquels ils se sont trompés. Ensuite, après avoir mentionné cet exemple dans la parole de l'imam Ibn Battah dans son livre Al-Ibana, il mentionne les paroles de l'imam Abu Amr Ibn Sa'id Ad-Dani, qui est mort en l'an 444. Et il mentionne un poème qu'il a composé. Et dans ce poème, on remarque qu'il mentionne les têtes parmi les gens de Bid'a et qu'il les insulte et qu'il les critique, hein, et qu'il dit des paroles dures contre eux et qu'il incite à les détester en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il mentionne par exemple la parole de Jahm, il mentionne Jahm en disant qu'il est khissis, qu'il est minable, hein, et wasil. Wasil ibn Atta et Bishr al-Murrisi, hein, et il mentionne comme étant Zi Sakhafin wa Jahlin wa Inad. Donc il était une personne insignifiante et ignorante et qui opposait la vérité. Et il mentionne Muammar et Ibn Abi Duad et Ibn Ubayd, hein, Amr ibn Ubayd, Sheikh al-I'tizal wa Shari' al-Bid'ati wa al-Dalal. Vous voyez comment il parle de lui, hein? Donc il parle aussi de Al-Jahiz. Al-Jahiz c'était un Mu'tazili, hein? Et donc il dit Al-Jahiz al-Qadih fi l'Islam, celui qui attaquait l'Islam, qui a frappé l'Islam, qui a attaqué l'Islam. Et il parle également de Al-Nazam, qui était aussi un parmi les Mu'tazila. Et il dit de lui, et il dit après, والفاسق المعروف بالجباء. Donc il parle de Al-Jubba'i et il l'appelle Al-Fasiq. Hein? Et il parle de Al-Jabba'i. Et il mentionne qu'il est Al-Safih, Zil-Khana. Donc il parle ensuite de Al-Lahiqi et Abel-Huzayl, aussi qui font partie de ces gens d'égarement-là. مؤيد الكفر بكل ويلي. Donc celui qui aidait le kufr et qui défendait le kufr, hein? Et qui était dans l'aveuglement. Donc regardez comment il parle de ces gens de bid'a et comment il les critique et il les mentionne par les pires des qualificatifs. Pourquoi? Pour mettre en garde contre eux, pour faire connaître aux gens la laideur de leurs égarements et de leurs paroles, pour que les gens puissent s'écarter d'eux et être sauvés de leurs égarements. Et il mentionne également un autre poème comme ça de l'imam Abu Tahir Ahmad ibn Muhammad As-Silafi As-Salafi. Et on retrouve dans son poème la même chose à propos des gens de Bid'a. Il dit Wada'a ra ahl az-Zayri ra'san. Donc il dit, laisse tomber les opinions des gens de la déviation, hein? Et il critique les gens de Bid'a. Et il mentionne parmi eux, après avoir critiqué les gens de Bid'a de façon générale, il mentionne différents noms parmi les gens de Bid'a, comme il mentionne ici Ma'bad al-Juhani, celui qui nie le Qadar, le premier qui niait le Qadar, et il parle de Wasil, et il parle de Ghaylan, Dimashqi, et il parle de Ja'd ibn Safwan, et de Jahm ibn, de Ja'd ibn Dirham, pardon, celui qui a inventé la bid'a des Jahmiyyah, puis de Jahm ibn Safwan après. Et Ja'd ibn Dirham, c'est celui qui l'a inventé la bid'a des Jahmiyyah. Et on l'appelle Jahmiyyah pourquoi? Pourquoi on ne l'appelle pas Ja'diyyah? Puisque c'est Ja'd qui l'a inventé, on l'appelle plutôt Jahmiyyah. Pourquoi? Parce que c'est Jahm qui l'a propagé. C'est pas Ja'd. Ja'd, il a enseigné à Jahm, c'est-à-dire la négation des attributs et des noms d'Allah, et la négation du Qadar, et toutes les autres égarements. Il a pris ces bid'a-là, Ja'd ibn Dirham, et il les a enseignés à Jahm ibn Safwan. Et c'est Jahm ibn Safwan qui a été le propagateur de la bid'a. Ja'd ibn Dirham, il a été exécuté. Hein, à l'époque de Khalid al-Qasri, un des amirs de la région où il était. Et il l'a tué le jour de Eid. Il l'a exécuté le jour de Eid, comme un mouton. Il a fait la salat de Eid, après il a fait la khutba, puis après la khutba, lui c'est le dirigeant, à l'époque c'est les dirigeants qui font la khutba de Eid, la prière de Eid. Donc il fait la prière de Eid avec les musulmans, il fait la khutba après, et puis quand il termine sa khutba, il dit allez faire vos sacrifices et allez égorger vos moutons, moi je vais égorger Ja'd ibn Dirham, parce qu'il a dit que Allah n'a pas parlé à Moussa, et il a dit que Allah n'a pas pris Ibrahim comme un ami, comme un Khalil. Et donc pour montrer qu'il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nie ce que Allah a mentionné à son sujet dans le Coran. Et donc il l'a pris et il l'a égorgé comme ça, comme un mouton, mais pourquoi? Parce que c'est la punition de pour l'apostasie, c'est ça. Et donc c'est pour montrer que les salafs à l'époque, ils étaient durs et sévères envers les innovateurs, et ils ne jouaient pas avec ça. Aujourd'hui tu vois des gens comme par exemple Tariq Souaydan, dernièrement, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, quelqu'un peut s'objecter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a le droit de s'objecter même à Allah, si on veut. Parce qu'il dit, dans l'islam, il y a la liberté d'opinion. Et quand les ulama ont entendu ça, Cheikh Al-Fawzan, il a dit, ça c'est une parole d'apostasie. Et le mufti, Cheikh Saleh Al-Sheikh, la même chose, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est une parole d'apostasie, une parole de ridda, de kufr. Comment tu peux dire on a le droit de s'objecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et même à Allah, à l'i'tirad, à l'i'tirad à Allah ou à la Rasoul, il dit c'est permis. Donc ça c'est des exemples des gens aujourd'hui, ça c'est des paroles. Yani, si les salafs à l'époque des salafs entendaient quelqu'un qui disait ça, il aurait été exécuté maintenant déjà. C'est pour ça que les ulamas aujourd'hui qui sont salafis et qui mettent en garde contre les innovateurs, les gens disent qu'ils sont durs. En réalité, les salafs étaient beaucoup plus durs avec les innovateurs que nous à notre époque. Même si nous on paraît comme des gens durs aujourd'hui, ça c'est rien par rapport aux gens de l'époque à ce moment-là. Donc, en tout cas, il mentionne d'autres également par la suite dans son poème. Ibn Kullab, il mentionne Ibn Kullab, Abu al-Huzayl, Abd al-Qays, il mentionne d'autres certains que je connais pas, d'autres que je connais, mais c'est pour donner l'exemple, c'est pour faire comprendre. Et il y en a par exemple parmi les ulama aussi qui étaient parmi les plus les plus sévères et les plus durs envers les gens de bid'a à notre époque, il y a Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i au Yémen. Et lui, quand il faisait une cassette sur quelqu'un pour mettre en garde contre lui, après quand il a fini sa cassette, c'est fini pour cette personne. Il n'y a plus personne qui veut l'écouter par la suite, parce qu'ils vont savoir que ce gars c'est un dévié, un égaré. hein, et il a fait des cassettes pour mettre en garde contre plusieurs d'entre les gens d'égarement. Il a averti contre Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, il a fait des cassettes contre le Soururiya, il a fait une cassette contre Abdurrahman Abdul Khaliq, il a fait une cassette contre Hassan al-Turabi, hein, il a fait une cassette contre Youssef al-Qardawi, hein, il a fait des cassettes contre plein d'entre ces gens-là. Hein. Donc pourquoi? Pour mettre en garde contre ces gens-là, hein, pour avertir contre eux. Et sa langue était comme une épée pour, hein, pour les gens de Bid'ah. Il dit, donc ça c'est le manhaj de Ahlus Sunnah. L'avertissement et la mise en garde contre les gens de Bid'ah et les, contre la, les Bid'ah et les gens de Bid'ah. Donc c'est pas juste la Bid'ah toute seule qu'on avertit, on dit, ah, telle Bid'ah c'est pas, c'est dangereux, il faut pas la faire, et ainsi de suite. Puis tu dis rien par rapport à ceux qui la font. Non. Tu mets en garde contre la Bid'ah et ceux qui la propagent, et ceux qui appellent à cette Bid'ah, et ceux qui la pratiquent, et appellent les autres à la pratiquer. Sans faire de distinction, hein. Et donc le cheikh il dit لو كان التحذير منهم للبدع وحدها لما اجمعوا على هجر اهل البدع. Donc il dit si c'était juste la mise en garde contre les bid'a tout seul sans mettre en garde contre les innovateurs, eh bien ils n'auraient pas été tous d'accord sur le fait qu'il faut boycotter les gens de bid'a, comme on va le mentionner plus tard. Il dit même que les livres qui ont été écrits au sujet du jarh wa ta'dil à l'époque, qui sont des livres qui sont spécifiquement au sujet des narrateurs et des gens qui parlent de l'islam, comme par exemple un livre qui s'appelle Ad-Du'afa, les faibles, où on met tous les narrateurs, où les savants ont mis ou ont classé tous les narrateurs qui sont faibles, qu'on ne peut pas prendre leur hadith. Ou At-Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari, la même chose, il parle des narrateurs qui ne sont pas fiables, hein, ou de ceux dont il a parlé. Il y en a des fois qui, il y en a qui rassemblent les deux, il y en a qui sont spécifiques pour les faibles, comme Ad-Du'afa de l'imam al-Nasa'i, ou bien l'imam al-Uqayli, et aussi un livre qui s'appelle Al-Jarh wa Ta'dil de l'imam Ibn Abi Hatim, et le livre Al-Mizan qu'on a mentionné tout à l'heure de l'imam al-Dhahabi, et aussi son livre qui s'appelle Diwan al-Du'afa, hein? Donc il parle des narrateurs dans ces livres-là et il mentionne qu'est-ce qui a été dit par les savants à leur sujet, et beaucoup d'autres d'entre les livres des imams de la Sunna, et également les livres de Aqida, et en particulier les livres de réfutation, comme la réfutation de l'imam al-Darimi contre Bishr al-Murrisi. Hein, donc il a écrit un livre pour réfuter Bishr al-Murrisi, et également les réfutations de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah contre al-Bakri, al-Raddu ala al-Bakri et al-Raddu ala al-Akhna'i, hein. Donc ça c'est des livres qu'il a écrit pour réfuter des personnes en particulier, et al-Raddu ala al-Razi, hein, il y a un des Mubtadi'a qui s'appelle al-Razi, il l'a réfuté. Et d'autres également. Et également Ibn Abdul Hadi, l'élève de Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sarim al-Manki fir radd ala as-Subki. Il réfute un individu qui s'appelle As-Subki. Et également les réfutations des imams de la da'wa al-Najdiyya, qui ont réfuté plusieurs d'entre les égarements des gens qui appellent à la bid'a et qui appellent au shirk. Comme un individu qui s'appelle Al-Nabahani. Al-Nabahani qui écrit des livres pour défendre le shirk et combattre le tawhid. Eh bien, les ulama ont écrit un livre pour le réfuter dans un livre qui s'appelle Rayatul Amani. C'est écrit par l'imam Mahmoud Al-Alousi. Et Nu'man Al-Alousi, il a réfuté le livre de Ibn Hajar Al-Haytami, dans son livre Jala al-Aynayn. Donc l'imam al-Alousi, il l'a réfuté. Et les réfutations des imams de la da'wa de Najd, comme on a dit, qui ont réfuté Ibn Jarjis et qui ont réfuté d'autres également, les réfutations contre Al-Kawthari aussi qui faisait partie de de ceux qui défendent le shirk et la bid'ah, et également son élève Abu Rudda, hein, la même chose. Et parmi ceux qui ont réfuté Al-Kawthari, il y a un des savants du Yémen qui s'appelait Al-Muallimi dans son livre At-Tankil. Et parmi ceux qui ont réfuté les égarements de Sayyid Qutb et de ses livres, il y a par exemple Abdullah, Cheikh Abdullah Douaish, et Mahmoud Shakir, et il y a le Cheikh Rabi Al-Madkhali qui a réfuté les égarements de Sayyid Qutb. Et il y en a plein d'autres également parmi les livres salafis qui ont été écrits par les ulama pour réfuter la bid'a et pour établir les preuves du Coran et la Sunna. Hein? Et cette Qutb à notre époque, c'est une personne qui a réuni en ses livres plein d'égarements et plein de d'ignorance. Mais d'une certaine, je ne sais pas de quelle manière ils ont réussi, mais les jeunes bid'a ont réussi à faire passer ces livres, hein, et à les faire passer comme étant des livres corrects. Pendant très longtemps, les gens diffusaient les livres de Sayyid Qutb, et certains même pensaient que quand ils parlaient, il y a certains parmi les gens qui, quand ils parlaient de Sayyid Qutb, ils le mettaient au même degré que Cheikh Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad, et ils exagéraient à propos de cet homme-là, comme si c'était un savant de l'islam. Hein? Et donc c'est pour ça que ces livres se sont propagés partout, et même qu'ils étaient traduits en français, traduits en anglais, traduits en plein d'autres langues, et diffusés partout dans le monde. Et les Ikhwan du Moyen-Orient, yani, qui ont beaucoup d'argent, qui ont fait publier ces livres-là et traduit ces livres-là et diffusés dans le monde entier, même parfois distribués gratuitement aux musulmans. Pourtant ces livres contiennent des formes d'égarement, yani, de toutes les sectes d'égarement réunis. Il les met dans ses livres. Il met ses bid'a dans ses livres. Et personne ne disait rien. Mais alhamdoulilah, il y a toujours des ulama qui sont aux aguets et qui relient et vérifient les livres et qui regardent les choses qui sont écrites dans ces livres-là et qui par la suite mettent en garde et réfutent contre l'égarement lorsqu'ils les voient. Et il y en a des gens qui, à notre époque, essaient de, encore une fois, limiter la gravité diminuer la gravité des égarements qui sont dans les livres de Sayyid Qutb en disant, oh, c'est pas si grave que ça, il y a quand même du bien et des choses de ce genre. Et pourtant, tu trouves dans ces livres des idées, des paroles, yani, qui sont très très très graves, certaines même qui rentrent même jusqu'au coffre. Certaines des idées qui vont jusqu'au kufr, comme Wahdatul Wujud par exemple, la croyance en Wahdatul Wujud, la croyance qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature, et que tout est un. Hein? Ou bien l'insulte contre le prophète Moussa, alayhi salam, hein? En disant que c'était un homme qui était de tempérament nerveux, hein? Et des choses de ce genre. Ou bien qu'il disait à propos de Muawiyah et d'autres parmi les Sahaba, un autre parmi les Sahaba, il parle d'eux en disant que c'était des gens qui avaient du nifaq et qui étaient des gens qui trichaient, qui trahissaient, qui étaient injustes et ainsi de suite. Et il décrit les Sahaba de cette façon-là. Il parle de Uthman ibn Affan et il mentionne son khilafa. Et c'est comme s'il parle des khulafa rachidin, puis il parle de Uthman comme si c'était un trou entre le khilafa des autres khulafa rachidin, comme ça en voulant dire Abu Bakr et Omar, hein, ils étaient corrects, puis après il y a eu un vide ou un trou, et puis après il y a eu le khilafa de Ali, en voulant dire le khilafa de Uthman il l'a complètement annulé, en voulant dire ça valait pas, hein, d'être appelé khilafa Rachida ou quelque chose comme ça. Dans ses livres c'est comme ça. Cheikh Rabi il a écrit un livre à ce sujet là justement pour montrer les attaques et les insultes de Sayyid Qutb contre les Sahaba et contre Uthman ibn Affan, et il y a beaucoup d'autres également comme ça. Allah al-Musta'an. Et c'est pas seulement Cheikh Rabi, comme il y en a qui disent, ah, c'est Cheikh Rabi qui a réfuté Sayyid Qutb. C'est pas seulement Cheikh Rabi qui a réfuté Sayyid Qutb. Abdullah Douaïch, il a écrit un livre pour réfuter les égarements de Sayyid Qutb. Mahmoud Shakir, qui était vivant à l'époque de Sayyid Qutb, qui vivait en Égypte avec lui, qui le réfutait déjà à son époque, et qui a écrit des lettres à Sayyid Qutb pour l'avertir et pour le mettre en garde, pour qu'il revienne de ses égarements, et qu'il a refusé de revenir. Hein? Donc c'est des exemples. Hein? Donc c'est ça qui arrive quand des gens qui ne sont pas des savants, c'est des penseurs ou des intellectuels, et ils veulent se mettre de l'avant et parler des questions qui ont rapport avec l'islam, mais qui ne se réfèrent pas à la aqida et au manhaj des salafs, et puis tu vois qu'est-ce qu'ils sortent par la suite comme calamité, comme catastrophe dans leur livre, c'est le résultat de cette ignorance-là. Un homme qui était un journaliste, qui n'a pas étudié avec les ulama, puis qui se permet de parler de ces sujets-là et de mélanger le vrai et le faux, comme il l'a fait, Allah al-Musta'an. Mais il y a des gens qui le défendent. Donc il faut, c'est pour ça qu'il faut mettre en garde et réfuter contre cet individu-là et contre ceux qui propagent ses idées. Et donc il dit, après avoir mentionné toutes ces choses-là, il dit, tous ces livres-là de réfutation qu'on a mentionnés sont écrits pour réfuter des individus en particulier, des gens qui portent des égarements et des innovations. Si on fermait cette porte, comme le veulent les gens de la fitna, les gens de la passion, ils veulent qu'on ferme cette porte, ils veulent qu'on ne mette plus en garde contre personne, qu'on cesse de faire des mises en garde contre les gens de bid'a. Donc le cheikh dit, si on fermait cette porte-là, ça amènerait à la destruction de l'islam et à la propagation du shirk et des bid'a et des superstitions. Et c'est ça ce que ces gens-là veulent. Ils veulent que l'islam soit détruit, qu'il n'y ait plus d'islam. Et donc, il doit et il y aura toujours, jusqu'à la fin du temps, un combat et une guerre entre la vérité et le faux. Et les gens de la vérité n'ont pas le droit de se taire, sous prétexte que ces erreurs-là viennent de la part de musulmans, ou même de la part de gens qui se disent salafis parfois, mais qui ramènent des innovations ou qui dévient. Et de dire que, ah, mais il ne faut pas parler contre eux, ce sont des salafis. Alors que ils étaient salafis peut-être à un certain moment donné, mais ils ne le sont plus maintenant parce qu'ils ont ramené des paroles ou des idées ou des positions qui sont en opposition avec celles des salafis salih. Donc on ne peut pas les défendre et on ne peut plus continuer à les défendre ou à les considérer comme étant des salafis. Et ça cause souvent des problèmes chez les jeunes, parce que les jeunes sont souvent émotifs et ils s'attachent, et pas juste les jeunes, même les vieux parfois. Et c'est ça ce qui est arrivé par exemple quand certains individus qui étaient connus comme étant des salafis à notre époque, ou dans les décennies passées, qui étaient connus comme étant des salafis puis qui ont dévié de la voie des salafis. Et que quand on met en garde contre eux, ça crée beaucoup de bruit, beaucoup de vagues. Et les gens n'aiment pas entendre ça. Et ils n'aiment pas même entendre des critiques ou des réfutations ou des corrections, même de la part des ulama quand quelqu'un fait des erreurs. Ils veulent qu'on se taise. Mais il faut qu'on explique et qu'on clarifie. Donc, le cheikh, il dit, Après tout ce qu'on a mentionné, maintenant tu dois t'étonner lorsque tu entends quelqu'un qui dit « Ne parle pas au sujet des gens de bid'a. Fais juste mettre en garde contre la bid'a seulement. » Et donc, on voit que ces gens-là, en réalité, leur but c'est d'opposer le manhaj des salafs et la voie des salafs. Et de prétendre que c'est pas du manhaj des salafs de mentionner les noms, de mentionner les individus, ça c'est un mensonge contre les salafs. Et ces gens-là sont en train de dire, en fait, indirectement, ou sans le savoir, que les salafs étaient injustes, ou que qu'est-ce qu'ils ont fait c'était incorrect. Ils sont en train d'accuser les salafs d'avoir fait quelque chose qui est contraire à l'islam, puisque c'est ça ce qu'ils faisaient. Et il y en a des gens comme ça, qui disent, il ne faut pas mentionner les noms. Ils disent, par exemple, ils prennent certains exemples, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mettait en garde, il allait dire par exemple ma balu aqwamin. Dans certains cas, quand il allait mettre en garde contre des individus ou mentionner des erreurs de certains individus, il n'allait pas dire leur nom, il allait dire ma balu aqwam, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui ont fait telle ou telle affaire sans mentionner qui. C'est vrai que dans certaines circonstances, il faisait ça. Mais dans d'autres cas, il spécifiait des noms, il mentionnait des noms, et il a mis en garde contre des personnes, comme Zul Khuwaysira et ceux qui lui ressemblent, et d'autres également. Il a critiqué même parfois certains sahaba qui ont fait des choses pas correctes. Il a dit des paroles dures pour les réprimander. Comme par exemple, juste un exemple, si par exemple un sahabi comme Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il a récité Al-Baqarah dans la prière et qu'une personne est sortie des rangs et il a prié tout seul, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit Mu'adh ibn Jabal a récité Al-Baqarah dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afattanun anta ya Mu'adh, est-ce que tu veux faire pour les gens une fitna dans leur religion? Tu récites la Fatiha, c'est trop. Récite qu'est-ce qui est d'une longueur raisonnable pour que ce ne soit pas quelque chose qui va faire fuir les gens de la prière. Donc, même des gens qui sont des gens droits, qui sont des gens de sunna, qui sont des gens de la droiture, mais quand ils font des erreurs, il faut quand même aussi les réprimander et les corriger. Et c'est ça ce qui se passe entre les ulama. Maintenant, il y en a qui ont une autre notion, une autre compréhension de l'islam, qui se sont fait une idée qu'il faut toujours être souriant avec tout le monde dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, qu'il faut toujours être doux et gentil et ne jamais parler durement ou réprimander quelqu'un quand il fait quelque chose, peu importe la situation. Et ça, c'est pas vrai. Il y a des cas, en général, oui, on va être doux, on va être gentil, on va être souriant avec nos frères, mais dans certains cas, quand ils transgressent l'islam, les principes de la sunna, et quand ils opposent la vérité, ou bien quand ils font preuve d'arrogance et d'orgueil face à la vérité, ou quand, par exemple, ils vont ramener des innovations et des bidats, et bien dans des cas comme ça, là, il faut faire preuve de fermeté. Il faut faire preuve de fermeté. Et la sagesse, comme certains qui en parlent parfois de sagesse, eh bien la sagesse, c'est, comme les ulama l'ont expliqué, de mettre chaque chose à sa place. Ça veut dire savoir appliquer la douceur quand ça nécessite de la douceur et savoir appliquer de la dureté quand ça nécessite de la dureté. Et c'est ce que les salafs faisaient. C'est pas de toujours être la sagesse, c'est pas de toujours être doux. Comme certains pensent, que tu dois toujours être doux, tout le temps, dans toutes les circonstances. Ou bien de toujours être dur, avec tout le monde, dans toutes les circonstances. C'est pas ça et c'est pas ça. Chaque chose, il a sa place. Et c'est ça d'avoir le hikmah, c'est de savoir quand mettre et de savoir où le mettre et à quelle quantité le mettre et de quelle façon le mettre. C'est ça Al-Hikmah. Et aussi, c'est que quand on parle de la mise en garde contre les innovateurs et contre les gens de bid'ah, ça c'est une chose. Puis la da'wah, quand tu veux parler à quelqu'un pour le faire venir à la salafia, c'est pas automatiquement tu veux appeler quelqu'un à la salafia, automatiquement tu es obligé de commencer par le fait de dire fais attention à un tel, fais attention à un tel, ou mettre en garde contre un individu. Mais c'est plutôt de lui enseigner les principes et la aqida et les bases de ce manhaj pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est en premier. Comme par exemple, tu lui apprends le tawhid, tu lui apprends la sunna, tu lui enseignes l'islam et les bases de la sunna, et tu le mets en garde contre le shirk et contre les bid'ahs et contre ce qui est contraire à la vérité. Puis quand c'est le temps de le mettre en garde contre des individus ou contre des personnes ou des groupes, en même temps que tu es en train de lui enseigner, tu le mets en garde pour qu'il sache, un tel il a ces idées-là, un tel il a ces idées-là. Là, la personne, elle, non seulement tu le mets en garde contre les égarements, mais tu lui donnes des principes, des règles et des bases qu'il va être capable de comprendre pourquoi on met en garde contre quelqu'un. Il va être capable de comprendre pourquoi un tel il est égaré. Mais si quelqu'un il connaît pas le tawhid, il connaît pas le shirk, il connaît pas qu'est-ce que c'est la sunna, qu'est-ce que c'est la bid'a, qu'est-ce que ça signifie ces principes-là, c'est quoi les fondements de Ahlus Sunna, c'est quoi les fondements de la salafia, c'est quoi les preuves tirées du Coran et de la sunna qui supportent ces principes-là. Il connaît rien de ça. Puis tu viens le voir et lui il est en train d'écouter tout ce qui est contraire à la sunna. Il écoute n'importe qui, et il prend de n'importe qui, et tu lui viens comme ça, tu dis, écoute pas celui-là, écoute pas celui-là, il va même pas comprendre. Il va même pas savoir pourquoi tu lui dis ça. Hein? Donc, tu dois commencer par l'enseigner, par lui expliquer, par lui clarifier, c'est quoi les principes, c'est quoi les bases. Et tu dois commencer par toi-même, de les connaître pour toi-même, et de les apprendre pour toi-même, puis aussi de les appliquer et de les enseigner à tes frères, à ceux qui sont proches de toi. Et tu peux, si tu n'es pas capable de détailler ou de clarifier en détail, tu peux donner un livre à un frère. Tu peux donner une cassette ou un audio à un frère. Tu lui dis, écoute ça. Hein? Il y a des frères qui m'ont dit, moi je ne savais pas expliquer à quelqu'un, je lui donnais un audio, il l'a écouté et il a compris. Et maintenant, le frère, il est salafi. Et maintenant, si je lui dis attention à un tel, ou et je lui mentionne que les savants ont mis en garde contre telle personne, et pour quelle raison, voici les preuves, alors là, il est satisfait, il est convaincu. Et il accepte. Donc, c'est comme ça. Hein? Donc, ça, c'est pour qu'est-ce qui est dû de la question de la mise en garde contre les jeunes bid'ah et contre les innovations. Maintenant, en ce qui concerne la question de la dureté, le cheikh il a intitulé le deuxième chapitre « Ash-shidda ala ahli al-bid'i manqaba wa laysat madhamma ». C'est-à-dire le fait de dire de quelqu'un qu'il était dur avec les gens de bid'a, c'est quelque chose qui est louable, ça fait partie de ses qualités, hein, des choses élogieuses, ça ne fait pas partie des choses blâmables. Parce qu'aujourd'hui, hein, si tu parles avec le commun des musulmans ou chez les jeunes, parmi les jeunes qui sont, disons, actifs dans certains cercles où les gens sont actifs pour l'islam ou pour, soi-disant, les activités islamiques ou des choses comme ça, comme par exemple les associations étudiantes dans certaines universités ou certaines écoles parfois. Ils veulent faire des activités islamiques et ainsi de suite, mais ils n'ont pas de connaissances. Ils n'ont pas de connaissances des fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ils connaissent pas les principes et les règles. Ils savent pas même parfois qui sont les ulama d'Ahlus Sunnah. Ils les connaissent pas. Donc ces gens-là, pour eux, parfois, les références sont les références d'égarement, les références de bid'ah. Et ces gens-là ont mélangé la religion pour eux. Leur ont fait croire que la sunna c'est la bid'a et que la bid'a c'est la sunna. Hein? Et ils ont renversé toutes les choses pour eux. Donc ils sont perdus. Et quand tu leur mentionnes des savants d'Ahlus Sunna, ils disent « Ah, ces savants-là sont durs. » Et des fois, ils disent ça pour faire fuir les gens de les écouter. Ah, c'est... Comme je me rappelle à l'époque, quand on parlait de Cheikh Al-Albani, il disait, ah, Cheikh Al-Albani, ah, il est trop dur. Hein? Il est trop sévère, trop dur. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit les choses telles que Allah l'a dit dans le Coran et dans la Sunna. Quand il parle de Cheikh Ibn Baz, la même chose. Ah, il est dur. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués avec des prêcheurs qui parlent aux gens pour leur faire plaisir. Qui parlent aux gens pour que les gens les aiment, eux. Pas pour que les gens aiment Allah, pas pour que les gens aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que pour les gens aiment les salaf salih, et les ulama, et les imams, non. Ils parlent aux gens pour que les gens les aiment eux, pour que eux soient hein, les références pour eux par la suite. Alors, ils vont leur dire qu'est-ce qui leur fait plaisir. Ils vont leur parler d'une façon pour que les gens les aiment. Alors, si on leur, si on leur demande à propos de, d'une question, par exemple, qu'ils savent que les gens ont de la difficulté avec ces questions-là, ils ne vont pas répondre de façon claire. Ils ne vont pas répondre de façon directe. Ils vont essayer de tout faire pour tourner en rond et autour de la question pour éviter de dire l'affaire telle qu'elle. Pour pas répondre clairement pour que cette personne-là se sente bien. Pour pas que cette personne-là soit fâchée. Parce qu'il se dit, si je lui dis la vérité sur ces choses-là, mais la personne, elle va pas m'aimer par la suite, elle va être fâchée contre moi, elle voudra plus m'écouter. Mais toi, ton but, en tant que prêcheur qui appelle à l'islam, est-ce que c'est les gens t'écoutent, que tu veux que les gens t'écoutent toi, ou que les gens écoutent Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça le problème de ces gens-là. Donc, s'ils leur posent des questions sur certaines choses, ils ne veulent pas leur dire les choses franchement et sincèrement. Et des gens qui agissent de cette façon-là, ce sont des shayatines, ce sont des diables, pour de vrai, parce qu'ils écartent les gens du droit chemin. Donc, ça c'est ce qu'on retrouve et ce qu'on remarque chez ceux qui appellent à la voix des Ikhwan et au manhaj des Ikhwan et à ces tendances-là, qui veulent faire plaisir aux gens. Si une sœur demande à propos du hijab, ou demande à un frère demande à propos de la barbe, ou des choses comme ça, ils ne vont pas dire les choses clairement. S'ils demandent au sujet de la hijra, est-ce qu'on doit rester dans les pays de Kufr, ou bien est-ce qu'on doit faire la hijra, aller dans les pays de l'islam, ils tournent autour du pot. Ils ne veulent pas dire les choses claires. Hein? Et ils ne peuvent pas dire les choses claires parce qu'ils appellent à des idées, à des fondements qui sont en contradiction avec l'islam. Eux, ils ne sont pas en train de dire aux musulmans allez vivre dans les pays musulmans. Ils sont en train de dire aux musulmans qui sont dans les pays musulmans, quittez les pays musulmans, venez vous installer chez les koufars. Hein? Donc comment vous pensez qu'ils vont répondre la vérité dans des questions comme ça? Parce que leurs principes politiques et leurs idéologies ont pris le dessus sur le Coran et la Sunna chez ces gens-là. Et s'ils voient dans le Coran et dans la Sunna quelque chose qui vient en opposition avec leurs idées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, on va mettre de côté le Coran et la Sunna, on va parler logiquement. Hein? L'aql. Ou bien ils vont essayer de déformer le sens de ce verset-là pour lui donner une autre interprétation. Et c'est pour ça que les ulama, les ulama de la Sunna, ils commencent leur da'wah toujours par l'aqida et par le tawhid. Parce que si quelqu'un il accepte l'aqida et le tawhid et qu'il a des bases dans ces questions-là, il va accepter tout le reste qui vient d'Allah et de son messager. Mais ces gens-là, ils ne font pas ça. Ils n'enseignent pas aux gens les bases de la religion, le tawhid et la Sunna et l'aqida. Donc, ils sont obligés par la suite de toujours entrer dans des débats pour chaque point de l'islam. Et c'est ça que tu remarques chez ces jeunes-là. C'est que chaque fois que tu vas parler avec ces jeunes-là d'un sujet dans l'islam, tu as beau leur ramener des dizaines de versets et des dizaines de hadiths et des citations des ulama, ils ne vont jamais être satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que la religion, c'est par la logique. Donc, peu importe qu'est-ce que tu vas leur donner comme adilla et comme preuve, ils vont les rejeter, ils ne vont pas l'accepter. Hein? Ils ne vont pas se soumettre au texte que Allah a révélé et à l'explication et à la compréhension des salafs. Hein? Tandis que les ulama d'Ahlus Sunnah, ils établissent le manhaj en premier. Ils établissent la aqidah en premier. Ils établissent la compréhension, les fondements en premier. Une fois que la personne dans son cœur, elle a compris ça, elle a cru en ces fondements-là, après, on n'a plus besoin de débattre. On n'a plus besoin d'argumenter sur chaque question. Commencer à prendre des heures et des heures pour dire est-ce que ça on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire, est-ce que ça on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Si c'est authentique, si c'est clair, on l'accepte. Et on l'applique. Et c'est fini. Tu ne vas pas dire ah, mais ce hadith-là, il n'est pas logique. Hein? Et c'est ça ce qu'ils ont dit par exemple par rapport à ce qui s'est passé dans les manifestations dans les pays arabes. Tu leur ramènes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne d'obéir aux dirigeants, même s'ils font de l'injustice, et d'écouter et d'obéir, et de ne pas se révolter contre eux, si ça va ramener, hein, si, même si ce sont, sauf si ce sont des gens qui ont fait un kufr clair, hein. C'est-à-dire, s'ils ont fait un kufr qui est clair, là, dans ce cas-là, c'est permis. Même parfois, c'est obligatoire de les enlever du pouvoir. Mais les ulama expliquent encore là, les salafs, ils ont expliqué à ce sujet-là, que si, oui, ce sont des kuffars, ils ont fait un kufr qui est clair, sauf que vous n'avez pas la capacité de l'enlever, et que si vous allez essayer de l'enlever du pouvoir, ça va ramener plus de mal que de bien, et que ça va faire des problèmes, le sang qui va, des innocents qui vont couler, hein, la sécurité qui va disparaître de la société, et que tout va être à l'envers. Eh bien, dans ce cas-là, laissez tomber cette chose-là. Et soyez patient et endurant. Ah non, c'est pas logique. Toujours, c'est pas logique. C'est leur argument, c'est l'aql. Mais si dans ce cas-là, votre religion s'est basée sur l'aql seulement, alors vous n'avez pas besoin de Coran, vous n'avez pas besoin de prophète, vous n'avez pas besoin de révélation, vous n'avez pas besoin de sunna. Hein? Laissez ça de côté, puis dites plus que vous êtes musulman dans ce cas-là. Si quand je vous ramène un hadith authentique, ça vous sert à rien, que vous n'avez pas besoin de Coran, vous n'avez pas besoin de la sunna, vous n'avez pas besoin d'un messager, parce que votre tête, elle vous suffit. Alors pourquoi vous êtes, comment vous pouvez dire dans ce cas-là que vous êtes musulman et que vous croyez que Allah a envoyé et a révélé le Coran par l'ange Jibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour guider l'humanité? Et que dans ce Coran, il y a la lumière et la guidance. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué comment appliquer ce Coran par sa sunna. Et qu'il nous a ordonné de suivre son exemple. Pourquoi vous dites ça? Alors que quand c'est le temps de le faire, vous rejetez sa parole. Eh bien, tout ça, c'est des exemples. On va s'arrêter ici, inshallah, pour maintenant. Puis, à la prochaine session, inshallah, prochain cours, on va commencer l'explication de ce qui a rapport avec la dureté envers les gens de bid'a. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.